Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Demain samedi et après-demain dimanche à l'hôtel de ville de Versailles se tiendra le salon Histoire de lire. Et comme chaque année, Franck Ferrand y participera. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque année à cette grande fête du livre d'histoire. Alors tout à l'heure, nous allons recevoir un des organisateurs de la manifestation, Étienne de Montetti. Et avant cela, l'un des invités d'honneur de demain et d'après-demain, Jean-Christian Petit-Fils, qui vient de faire paraître chez Perrin un magnifique Louis XV. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Nicolas qui vous demande, via la page Facebook, depuis quand on fait du sport pour le plaisir ? Mais parlez pour vous, Céline, parce que moi, j'ai jamais fait de sport pour le plaisir. Bon, on va en faire du sport aujourd'hui, puisqu'il y aura des flashs de Coupe Davis, vous savez. C'est vrai, oui. Je vais quand même répondre à Nicolas, je vous rassure. Pour le moment, nous avons rendez-vous avec un tout jeune orphelin qui s'apprête à devenir roi de France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ce qu'il y a peut-être de plus touchant dans l'existence de Louis XV, c'est l'enfance de ce petit roi qui n'est pas encore roi, mais qui va très vite devenir orphelin. On connaît assez mal la jeunesse de Louis XV, disait Jacques Levron, que j'ai toujours plaisir à citer, partie de son existence pourtant si importante pour sa formation. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions reçu l'année dernière le père Combault, qui a écrit lui-même une jolie biographie de Louis XV chez Belin, et qui disait « La vie au XVIIe et au XVIIIe siècle tenait du miracle. Nul ne savait encore pourquoi et comment, à partir de l'union d'un couple, un enfant était formé. La mort prenait ce qu'elle voulait, quand elle voulait, et le faisait vite. La vaccination n'existait pas et la prophylaxie était balbutiante. Le seul remède connu à une épidémie était la fuite d'une ville ou d'une province qui contribuait autant à répandre l'épidémie qu'à l'éteindre. » Vous allez voir à quel point c'est vrai à propos de ce petit Louis XV, enfin futur Louis XV, qui naît à Versailles, qui naît au château de Versailles le 15 février 1710. C'est mon ami Odile Caffin-Carcy qui a très bien décrit l'accouchement de la duchesse de Bourgogne. Pour vous situer, Louis XV, c'est très facile. Louis XIV a un fils unique, Monseigneur le Grand Dauphin. Ce fils a lui-même trois enfants. L'aîné, c'est le duc de Bourgogne. Eh bien, ce jeune duc de Bourgogne a épousé Marie-Adélaïde de Savoie et le petit Louis XV est leur troisième enfant. Et le matin de la naissance, tous les princes et princesses sont là, ou presque, nous dit Odile Caffin-Carcy. Monseigneur le Dauphin et son troisième fils, le duc de Berry, Madame Palatine, veuve de Monsieur Frère du Roi avec son fils et sa belle-fille, le duc et la duchesse d'Orléans, le duc du Maine et son épouse, Monsieur le duc, fils du prince de Condé et son épouse, la jeune Mademoiselle de Charolais et sa sœur, Mademoiselle de Sens avec le prince de La Roche-sur-Yon et toutes les dames du palais de la duchesse de Bourgogne, sa dame d'Atour, son chevalier d'honneur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, les princesses, et surtout là, il s'agit d'un éventuel héritier du trône, les princesses et les reines, a fortiori, accouchent en public. Alors attention, quand on dit en public, on a tout de suite des images graveleuses à l'esprit. Vous imaginez bien qu'on mettait de grands paravents et que le public était tenu quand même à l'écart de la parturiente elle-même. Mais enfin, tout de même, c'était des accouchements qui avaient lieu dans une espèce de grand déploiement de foule. Les gens étaient là, chacun essayait de se renseigner, bien entendu. On raconte que pendant le long et difficile accouchement, le duc de Bourgogne n'aura cessé de parler à sa femme tout doucement pour la distraire, pour l'encourager. C'est un couple très amoureux et très touchant que le duc et la duchesse de Bourgogne. L'enfant, pour tout vous dire, se présente mal par le siège. Il faut le retourner. C'est une opération délicate, surtout à cette époque, bien entendu. Et la pauvre Marie-Adélaïde, qui est en larmes, qui hurle « Pourquoi me tourmentez-vous plus que vous n'avez jamais fait, plus que les autres fois ?» Et oui, ses autres enfants étaient nés de façon plus facile. Madame de Maintenon, qui est là, bien entendu, qui partage cette douleur, dit à la princesse des Ursins, elle lui écrit, la princesse des Ursins à l'époque est en Espagne, « La douleur fut si longue et si terrible que les hommes sortirent de la chambre ne la pouvant soutenir. » Vous imaginez cet accouchement vraiment très dur. Et enfin, L'enfant paraît et il reçoit le titre de duc d'Anjou. Il est lavé avec un linge trempé dans du vin et mélangé à du beurre frais. Il est emmailloté dans les langes tiédies au feu de la cheminée. Il est présenté à sa mère, à toute l'assistance bien entendu, avant d'être emmené dans l'arrière-cabinet voisin. « Madame, l'enfant est parfaitement beau et bien fait », dit l'accoucheur. « Maintenant, il serait bon que votre Altesse royale repose et nous ne viendrons la changer de lit que dans 4 heures. Le petit prince, le futur Louis XV, est ondoyé dans la chapelle du château de Versailles par le grand aumônier de France, le cardinal de Jansson. L'usage voulait en effet, nous dit Jacques Levron, que les princes de la maison de France fussent ondoyés le jour même de leur naissance. Le complément des cérémonies du baptême, au cours desquelles on leur imposait un prénom, ne se célébrait que beaucoup plus tard, parfois après plusieurs années. En l'occurrence, ce sera après plusieurs mois. L'enfant qui vient de naître, je vous le rappelle, n'est que le troisième fils du petit-fils de Louis XIV. Or, tout ce monde-là, à l'époque, est encore en vie. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de vous dire que c'est le futur Louis XV? Eh bien, parce que les circonstances vont se charger de faire de la place devant lui, si je puis dire. On va voir mourir coup sur coup le grand dauphin, le duc de Bourgogne et d'ailleurs la duchesse de Bourgogne, le frère aîné de ce petit prince. Bref, peu à peu, vous allez voir qu'il va demeurer le seul en vie. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la jeunesse de Louis XV. En 2 ans, celui qui n'était que 5e dans l'ordre de succession au trône va devenir le successeur désigné de Louis XIV, le seul et unique héritier du roi Soleil. La mort va littéralement décimer la famille royale. D'abord au printemps 1711, c'est le fils de Louis XIV, le grand dauphin, qui va mourir officiellement d'une apoplexie. En vérité, nous dit la chronique, victime de l'incompétence du médecin Fagon. C'est vrai que le pauvre homme, on l'aura saigné et ressaigné. Enfin bref, on l'a conduit à la mort plus sûrement encore que la maladie ne l'aurait fait. Repensez à ce jeune couple aimant du duc et de la duchesse de Bourgogne. Le duc de Bourgogne est devenu le dauphin à la mort de son père, bien entendu. Il est le successeur désigné de Louis XIV. Et voilà qu'en février 1712, une épidémie s'abat sur cette partie de la famille. D'abord, c'est la dauphine Marie-Adélaïde, la mère du petit enfant. Elle a 26 ans, la pauvre, et elle va être atteinte par la rougeole pourpre. Elle tombe gravement malade, on est obligé de l'aliter, tout le monde s'inquiète. On a raison, parce que très vite, elle finit par mourir. On est donc là en février 1712. Et ce qui est terrible, c'est que son mari a été à son chevet, que son mari a contracté la maladie et qu'il succombe à son tour 5 jours plus tard. Il n'a que 29 ans lui-même. Et vous voyez que d'un seul coup, c'est toute la succession de Louis XIV qui se délite. Le vieux roi est complètement accablé, d'autant plus que ses 2 arrière-petits-fils ont l'air assez malades aussi. Il y a des taches suspectes. Alors, on les fait baptiser d'urgence. C'est fait le 6 mars 1712. Mais il se trouve que le nouveau dauphin, le tout petit dauphin, meurt à son tour 2 jours plus tard dans des convulsions terribles. Ça a l'air d'être une espèce de malédiction. On a l'impression que le ciel a décidé de punir Louis XIV de son vivant. C'est terrible. Il ne reste dès lors plus qu'un enfant. Ce petit Louis que sa gouvernante, et là elle va jouer un rôle absolument essentiel, Charlotte de la Motte-Houdancourt, elle est duchesse de Ventadour. Les enfants appellent cette gouvernante Maman Ventadour. Et c'est elle qui, sans doute conseillée d'ailleurs par Madame de Maintenon, va littéralement prendre l'enfant avec elle et va le boucler dans ses appartements. Elle ferme la porte au médecin, elle interdit au médecin de s'occuper de lui. Elle a tout compris, si je puis dire, Madame de Ventadour, et elle a bien compris que, au-delà de la rougeole pourpre, ce sont les médecins qui ont tué le père, la mère, le frère aîné. Un autre frère aîné était mort un peu plus tôt déjà. Au matin du 9 mars, le roi Louis XIV fait venir ce tout petit enfant qui ne comprend encore rien, vous imaginez bien, hein, c'est un bébé encore, et lui dit « Alors je n'ai donc plus que vous. Et il dit ça entre deux sanglots. C'est terrible ce qui se passe pour le très vieux roi Louis XIV. Qui est la duchesse de Ventadour? Une de ces grandes dames qui appartiennent depuis leur jeunesse à la cour du roi, nous dit Levron. Les mémorialistes sont généralement sévères pour elle. Il faut avouer que cette coquette a mené longtemps une existence assez libre. Maîtresse en titre du maréchal de Villeroy, elle compte un nombre assez respectable d'amants, ce dont le maréchal ne se formalise pas trop, car il prend de son côté toute liberté à l'égard de la duchesse. Oui, c'était comme ça dans l'ancienne France. Les couples étaient généralement formés pour la galerie et pour les enfants, et puis après, chacun menait sa vie de son côté. Donc, c'est elle qui va littéralement sauver cet enfant et qui, mieux que cela, va se substituer à sa maman qui vient de mourir. Elle devient une mère de substitution. Elle entoure le futur Louis XV de tendresse. Quand il était triste, nous dit le père Combeau, ce qui n'était pas rare, parce que vous allez voir que cet enfant a la tristesse chevillée au corps d'une certaine manière, le petit dauphin venait se réfugier dans les bras de la duchesse quand il avait un cauchemar, et ce fut semble-t-il assez fréquent, c'est elle qu'il réveillait. La duchesse de Ventadour a été bonne et vigilante auprès du dauphin, nous disent les chroniqueurs. Il l'appelle, vous le savez, je vous l'ai dit, sa chère maman. Alors, ce petit dauphin, on l'entoure de toutes les précautions du monde, vous imaginez bien. Il vit à Versailles, il s'amuse, eh bien, comme jouent tous les enfants, au pied de leur maman, qui est en train de broder, bien entendu. Et il va faire sa première apparition publique, pas très longtemps avant la mort de Louis XIV, lors d'un passage en revue du corps des gendarmes du roi. Louis XIV, à ce moment-là, est incapable de se déplacer, hein, il est coincé dans son lit. Il envoie donc son fils légitimé, un fils qu'il a eu avec Madame de Montespan, le duc du Maine, le représenter. Et à côté du duc du Maine, tenant le duc du Maine par la main, il y a donc le petit garçon. Le dauphin ne fut pas trop effrayé, semble-t-il. La gouvernante avait fait tailler un charmant uniforme de capitaine de gendarmerie exactement à ses mesures. Et donc vous imaginez à quel point les gendarmes qui ont défilé ce jour-là devaient être émus de voir ce futur roi déjà tout habillé en gendarme sous les fenêtres du grand roi qui, lui, était en train de mourir. Et quelques jours avant sa mort, il va recevoir l'enfant, vous savez, lui dire « Mon cher enfant, vous allez être un grand roi. N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m'imitez pas dans les guerres, ni dans le goût que j'ai pu avoir pour les bâtiments. » Est-ce que Louis XV respectera ses indications de son aïeul? Rien n'est moins sûr. En vérité, Louis XIV meurt et vous savez que c'est son neveu, Philippe d'Orléans, qui devient le régent. Et on a cette scène extraordinaire que raconte Jean-Christian Petit-Fils. Philippe d'Orléans, premier prince du sang, suivi des princes et princesses de la famille royale, des hauts dignitaires de la couronne, etc., se rendit à l'appartement du nouveau roi de 5 ans et lui déclara cérémonieusement « Sire, je viens rendre mes devoirs à votre majesté comme le premier de vos sujets. » Puis, lui montrant tous ceux qui l'avaient accompagné, « Voilà la principale noblesse de votre royaume qui vient vous assurer de sa fidélité. » L'enfant, nous dit Jean-Christian Petit-Fils, regarda un instant en silence tout ce monde assemblé et éclata en sanglots. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour François. Merci d'être avec nous et de nous parler de ce roi Louis XV qu'on redécouvre depuis quelques années maintenant. Nous l'avons laissé à l'aube de son règne et avec vous, nous allons parcourir ce règne. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la vie de Louis XV avec votre invité Jean-Christian Petit-Fils, historien, écrivain, auteur de Louis XV aux éditions Perrin. Je vous lisais il y a un instant, Jean-Christian Petit-Fils, et je disais donc que le petit roi, le tout petit roi, avait éclaté en sanglots. Pourquoi ces sanglots-là? Il avait conscience du poids qui tombait sur ses épaules? Mais oui, pensez donc, un petit orphelin à 2 ans, roi à 5 ans, c'est terrible d'être roi tout jeune, parce que il y a beaucoup de vénération autour de votre personne, mais en même temps, il y a un isolement. Donc, ce qui est très important pour bien comprendre le caractère de Louis XV, c'est ces carences affectives de l'enfance et, au fond, cette résilience qu'il va falloir, pour lui, acquérir, pour construire sa personnalité. On est tout à fait dans un cadre différent de celui de Louis XIV. Louis XIV était orphelin, sans doute, mais uniquement de père. Mais oui, sa mère, en Autriche, l'a élevé. élevée, le cardinal Mazarin l'a formée politiquement. Là, les choses sont très différentes. Et il est entouré de femmes, Madame de Ventadour, qui est une femme charmante, qui s'occupe de lui, mais malheureusement, il n'y a pas d'homme énergique capable de le former politiquement. Alors évidemment, je le disais, comme il est tout jeune, c'est une régence qui s'installe, bien entendu. C'est Philippe d'Orléans, qui n'est pas tout à fait son oncle, qui est son cousin au deuxième degré, en fait, mais qui peut passer pour son oncle, oui, étant donné la différence de génération. Il y a une grande affection entre les deux hommes. Philippe d'Orléans est très attaché à ce petit roi, très attaché à ce que ce règne vienne, parce que il a eu des accusations contre lui, et on soupçonne toujours de vouloir supprimer la famille des Bourbons pour régner à sa place. En réalité, il n'en est rien. Il n'y a jamais eu toutes ces rumeurs d'empoisonnement concernant le duc et la duchesse de Bourgogne sont totalement fausses. Mais donc il y a une entente. Et Philippe d'Orléans est un personnage très intelligent qui est capable de lui donner des leçons politiques. Mais de l'autre côté, il y a aussi le vieux maréchal de Villeroy, qui, lui, n'a qu'une idée en tête, c'est imiter complètement Louis XIV, même dans les choses les plus triviales. On lui dit, vous devez, Majesté, manger la moitié d'un œuf frais, parce que votre grand ancêtre prenait... Vous en faites un portrait assez à charge. Vous devez couper les bouts des ailes des perdrix, parce que si vous voulez devenir un grand roi, vous devez imiter en tout votre ancêtre. Il était complètement obsédé par Louis XIV, ce gouverneur, et il voudrait que le petit roi soit une sorte de deuxième Louis XIV. C'est ça, Lisa. Ça doit être terrible pour un enfant. Absolument. Et c'est finalement le drame de ce règne, c'est que ce modèle qu'on présente constamment à Louis XV, eh bien, est inapplicable à partir des années 1730, parce que d'autres mouvements sociaux interviennent, une opinion publique apparaît très structurée autour d'un petit journal qui s'appelle Les Nouvelles Ecclésiastiques, un journal janséniste. Là, on voit un tribunal de l'opinion qui va juger la monarchie. Et là, Louis XIV n'avait pas ce même système de politique. Alors, on a compris qu'il y avait... cet enfant était littéralement miraculé. Il reste très délicat, très fragile du point de vue de sa santé. On l'a longtemps dépeint comme indolent. En fait, il est assez courageux. Il travaille plutôt bien avec son précepteur, dont il faut dire un mot, bien sûr. Oui, alors le cardinal de Fleury va s'attacher... Il est encore abbé, là, à l'époque. Il a été cardinal sous la Régence. Évêque de Fréjus auparavant. C'est un intrigant, c'est sans aucun doute un homme de bon sens qui va gouverner la France de 1726 à 1743. Donc c'est un gouvernement très long. Presque 20 années, Et le petit roi, le jeune roi, va s'abandonner un peu à ce gouvernement parce qu'il lui a confiance. Il y a une confiance totale avec ce vieil ecclésiastique, très modéré, très conservateur aussi. L'enfant était né à Versailles, il a passé sa petite enfance à Versailles, mais à partir de la mort du grand aïeul, le 1er septembre 1715, ça n'est plus Versailles. Il va d'abord à Vincennes et ensuite il vivra à Paris, en fait, aux Tuileries, au Palais Royal, chez le duc d'Orléans, chez le régent. Voilà, jusqu'en 1722, où la cour revient enfin à Versailles. Donc, c'est probablement une décision qui a été malheureuse, parce que je crois que le gouvernement monarchique aurait dû rester à Paris. Oui. Cet éloignement aura de graves conséquences. C'est le régent qui décide le retour à Versailles? Le régent a hésité. Le régent avait ses bonnes amies à Paris. Mais finalement, bon, c'est un consensus. Il faut revenir dans le cadre de la monarchie Louis XIVienne. Toujours ce même modèle qu'il faut imiter. Que serait devenu Versailles si le régent n'avait pas ramené Louis XV en 1722? C'est en parenthèse une assez belle question. Un très beau Fontainebleau. N'est-ce pas? Oui, voilà, un très beau Fontainebleau, très moderne en quelque sorte. Alors, nous sommes maintenant à l'aube du véritable règne, puisque à la mort du régent, c'est le roi lui-même qui va gouverner. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions, par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission, page Facebook, où vous pouvez également nous envoyer vos suggestions et questions pour notre retour aux origines en fin d'émission, comme l'a fait aujourd'hui Nicolas. Dans un court instant, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Jean-Christian Petit-Fils, à la vie de Louis XV sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. C'est Louis XV qui est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Christian Petit-Fils, historien et écrivain, auteur de Louis XV aux éditions Perrin. Alors je viens de dire, le roi lui-même gouverne à partir de la mort du régent en 1723. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il règne, mais il ne gouverne pas tout à fait, nous dites-vous Jean-Christian Petit-Fils. Non, d'abord, il y a un gouvernement qui va durer à peu près 2 ans, qui est le gouvernement du duc de Bourbon, monsieur le duc, lequel monsieur le duc est très influencé par sa maîtresse, qui est madame de Prie. Donc c'est madame de Prie qui joue un rôle non négligeable dans l'attribution des bénéfices ecclésiastiques, des pensions, des gratifications. Elle joue quasiment un rôle de maîtresse royale, hein, cette madame de Prie. Elle a le même type d'influence, en fait. Oui, tout à fait. Le roi, là, vit un peu en retrait. Et il est très timoré. C'est un garçon secret. C'est timide. Il a peur de dès qu'un nouveau visage apparaît, il se rétracte. C'est quelqu'un d'un peu dépressif. On le voit déjà dans sa genèse, boudeur, hésitant. Et puis il se dépense énormément dans la chasse. C'est la chasse sa passion, et c'est une manière aussi de fuir les difficultés. Oui, il aime les exercices physiques. Il a besoin du grand air. On dit qu'il tombe malade s'il doit rester 3 jours d'affilée sans chasser. C'est cette passion des Bourbons, d'une façon générale. C'est la passion des Bourbons. Alors, Louis XIII, Louis XIV avaient cette même passion. Vous nous parliez de Madame de Prie. C'est elle qui va plus ou moins lui choisir son épouse, en fait. Dans quelles circonstances? Racontez-nous ça. Alors, ce roi est donc très fragile, malade, et comme il a été fiancé à une petite princesse d'Espagne, sa cousine Marie-Anne Victoire, fille de Philippe V et d'Elisabeth Farnèse, mais elle est toute petite, lui a 11 ans, elle a 3 ans quand il en a 11, donc... il va falloir attendre beaucoup de temps avant qu'elle puisse avoir des enfants. Voilà. Donc, par conséquent, l'inquiétude du duc de Bourbon, c'est que le roi, d'abord très fragile, meurt. Et à ce moment-là, c'est la branche des Orléans qui monte sur le trône, et non pas les Condés, les Bourbons-Condés. Donc, l'idée, c'est qu'il faut absolument le marier avec quelqu'un qui, rapidement, puisse lui donner des enfants. Alors, on va faire une liste de princesses bonnes à marier. Le hasard veut que, hier, aux Archives nationales, j'ai eu cette liste dans les mains. C'est d'ailleurs assez naïf la façon dont on présente au jeune roi et bien entendu au duc de Bourbon toutes ces princesses. Elles sont une centaine en France, voilà, très à pouvoir prétendre. 99, on dresse une liste, 99. Alors on Il y a un petit commentaire cartes. Dans la marge en face voilà, de chacune. Voilà, tout à fait. Bien sûr, j'ai vu ce document. On dit, bon, celle-là, petite famille, sans intérêt, elle est luthérienne, donc on ne peut pas la prendre. Donc finalement, on en retient 17. Et puis sur les 17, on va encore rayer des noms. Et en rattrapage, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas grand-chose, sinon une sœur du duc de Bourbon. Le duc de Bourbon, évidemment, aurait été ravi, mais il fait très attention pour éviter des troubles politiques. Une fille du roi d'Angleterre, mais c'est pas non plus parfait. Donc on se rabat sur une petite princesse, Marie Lidzinska, la fille de Stanislas Leszinski, qui est un roi déchu, un roi électif. Il a régné un jour. Détrôné, donc il naît... c'est vraiment quelque chose d'assez humiliant. Et la cour est furieuse de ce choix. Elle mais c'est un choix plus. Politique. Elle a 7 ans de plus, elle. Donc, elle est un peu plus âgée, elle a 6 ans et demi. Mais c'est surtout, elle va être chaperonnée par Madame de Prie. Et là, on voit encore à nouveau les luttes politiques entre le cardinal de Fleury d'un côté, Madame de Prie de l'autre, et le jeune roi pris entre les deux. La férule du cardinal de Fleury va l'emporter, bien entendu. À partir de quand est-ce qu'il gouverne réellement la France? Alors, à partir de 1726, à partir de l'arrestation de Monsieur le Duc, qui est concoctée entre le roi et le cardinal de Fleury, le roi veut se débarrasser de son cousin, et donc va s'appuyer essentiellement sur ce vieillard sage, très très habile. Évidemment, il est cardinal romain, le jeune roi est très pieux, et donc c'est une autorité religieuse qui s'exprime. On voit là la du politique et du religieux au début du XVIIIe siècle. Je me rappelle une conversation avec le président Giscard d'Estaing qui me disait qu'à ses yeux, la France n'a jamais été si heureuse ni si bien gouvernée que pendant cette jeunesse de Louis XV sous le mandat du cardinal de Fleury. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une période de prospérité en tout cas. Alors, période de reprise économique après ces années terribles de la fin du règne de Louis XIV, désastre climatique du grand hiver 1709, même auparavant en 1693, il y avait eu terrible famine sous le règne de Louis XIV. Là, on a une période où, en effet, il y a quelques dérèglements climatiques, mais qui sont quand même pas si graves. Et donc, on voit tout doucement un enrichissement de la France profonde. Et on a l'impression que le XVIIe siècle, que le grand siècle se poursuit. C'est ça. Et au fond, on ne voit pas la rupture pour l'instant. On ne la tout. Voit pas. En réalité, elle est souterraine. Et un des grands moments de cette rupture, d'abord c'est la mort du roi, bien évidemment, parce que c'est la volonté de la haute aristocratie de prendre la revanche sur l'absolutisme. La mort du grand roi, hein, 1715, la mort du grand roi en 1715, de prendre la revanche sur cet absolutisme, c'est-à-dire qu'il n'y a en réalité qu'une centralisation du pouvoir, eh bien on veut revenir à un système féodal ou néo-féodal, avec des grands gouvernants. C'est la grande époque de Boulainvilliers, etc., qui veulent revenir carrément en arrière. Exactement, en fait, hein. Et Montesquieu n'est pas très loin non plus de cette pensée. Donc, ça, c'est la première rupture. La seconde rupture, c'est, je le disais tout à l'heure, 1728-1730, la naissance de l'opinion publique. Alors, il y a toujours eu une opinion publique au moment de la Fronde. Oui, mais qui n'était pas constituée. Mais voilà, là, elle se constitue autour d'un petit journal imprimé, diffusé clandestinement. On en parle, on en discute dans les milieux populaires, parce que c'est un petit journal qui est très lu dans les milieux populaires. C'est au fond le premier réseau social qui va s'opposer à la monarchie. Comment l'appeler ce petit journal, à l'église, il faut le dire. Il s'appelle les Nouvelles Ecclésiastiques et il donne des nouvelles annonçant le renvoi d'un curé, les manifestations qui se produisent dans une église à la suite d'un mandement de l'archevêque, etc. Donc, c'est très orienté du point de vue religieux, mais il y a des conséquences politiques puisque tout cela est lié à la fameuse bulle Unigenitus qui était une grande erreur politique de Louis XIV. Une bulle arrachée au pape et qui, en fait, condamnant le jansénisme, réalisait une sorte d'union entre Rome et Versailles. Alors, quelle est la place du jeune Louis XV? Alors, il faut dire qu'il est d'une beauté absolument extraordinaire. Il est bien marié, il a de nombreux enfants, alors presque que des filles. Il y a deux garçons dont un seul va survivre, voilà, finalement. Voilà, pour Louis assurer Ferdinand, la... qui mourra avant son père. Oui, oui, en 1765. 65, c'est oui. Ça. Et qui sera donc le père des trois derniers rois bourbons, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Alors, quelle est la place de ce jeune roi dans le gouvernement de la France à l'époque? Parce qu'on parle toujours, alors, quand il est question de Louis XV, on parle évidemment de son épouse Marie Leszczyńska, de ses enfants, bientôt de ses maîtresses, alors les quatre sœurs de Nesle, et puis un jour, à partir de 1744-45, Madame de Pompadour, bien entendu. Et l'on oublie de parler du roi, de son travail, de la présidence des conseils, de l'étude des dossiers. Quel est le rôle réel et exact du roi pendant le ministère de Fleury? Alors, c'est difficile à lire. C'est pour ça qu'on a porté des jugements si contradictoires sur ce roi, parfois extrêmement critiques. Je pense à cette fameuse phrase du petit Lavis. Hein. Il a été le plus mauvais roi de toute notre histoire. Incroyable. Ce n'est pas assez de détester sa mémoire, il faut l'exécrer. Ouais, c'est devenu un roi maudit. C'est le dernier roi maudit de la série. On aurait dû en faire une poursuite de la série des rois maudits de Druon. On l'accuse de faiblesse, de duplicité, voilà, de débauche, bien entendu. Bien sûr, et puis d'être l'esclave de ses ministres et de ses maîtresses. En réalité, quand on regarde au fond les choses, on s'aperçoit que ce roi, très timide, très secret, manipule, joue avec ses peurs, avec sa timidité, mais il cherche malgré tout à contrôler la cour. Par exemple, avec Madame de Pompadour, un peu plus tard avec Madame du Barry, donc ses deux favorites, eh bien, elles vont servir de fusible, en quelque sorte, centralisant les deux demande de grâce du roi, dans ce qu'on appelle les bienfaits du roi, les gratifications, les bénéfices ecclésiastiques, les anoblissements, etc. Ce qui lui permet de refuser et de ne pas affronter, évidemment, le courtisan qui demande. Mais c'est lui qui décide. Même chose en politique, où nous avons le secret du roi. La dimension politique, le secret du roi, cette diplomatie parallèle, etc. On y vient ensemble dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes toujours au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et vous nous parlez cet après-midi de Louis XV avec votre invité Jean-Christian Petit-Fils, historien et écrivain, auteur de Louis XV aux éditions Perrin. Il est bien évident, Jean-Christian Petit-Fils, que nous n'allons pas avoir le temps d'évoquer les 59 années du règne de Louis XV, l'un des plus longs règnes de l'histoire de France. Louis XV est le seul roi qui soit né à Versailles, mort à Versailles. On peut dire que son règne couvre complètement le XVIIIe siècle, accompagne tous les mouvements de ce XVIIIe siècle dont on parle tant, et notamment le mouvement des Lumières. C'est un siècle complexe et, bizarrement, nous dites-vous, c'est un siècle dont on ne parle quasiment plus, et c'est un règne qui est passé à la trappe. On n'enseigne même plus Louis XV. J'étais dans une classe de quatrième, là, il y a quelques jours. J'ai découvert qu'on enseigne Louis XIV, Louis XVI, mais c'est comme si le Louis XV intermédiaire n'existait pas. Il est entre parenthèses. Ah oui, c'est un roi oublié, méconnu. Alors ça vaut mieux qu'évidemment le petit Lavis et oui, ce jugement péremptoire. Vaut mieux plus de jugement du tout qu'un mauvais jugement, dites-vous. C'est ça, oui. Alors, pour revenir en quelques mots, parce qu'on ne pourra pas, bien sûr, évoquer toute cette lutte contre les parlements, cette extraordinaire volonté du roi de tenir lui-même la diplomatie avec ce secret du roi qu'il mène. Le secret du roi, c'est une organisation diplomatique parallèle. Personne n'est au courant au sein des ministres, y compris le ministre des Affaires étrangères. Et le roi va explorer par ce système des systèmes politiques différents, maintenir un système d'alliance tel que Louis XIV les avait conçus, alors qu'on est dans on a prévu le renversement des alliances. Il y a une volonté du roi de tenir les rênes, malgré tout, malgré la volonté de ses ministres, ce qui montre bien qu'il s'intéresse à la politique. C'est pas le roi qui nous passe son temps à chasser et qui ou à vivre avec ses maîtresses et qui ne se désintéresse à la politique. C'est quelqu'un qui est très politique, qui s'intéresse qui travaille énormément, qui note, on a ces dossiers, une partie de ces dossiers, on a des annotations sur une grande feuille en marge, il écrit oui, bon, ça ne se peut, tout cela montre qu'il suit et qui remplit son métier de roi. On disait qu'il était le meilleur connaisseur de son royaume, c'est d'Argenson qui dit ça, et qu'il connaissait notamment toute sa noblesse par cœur. Voilà. C'était... Mais du fait de sa timidité, de sa réserve, évidemment il n'habite pas complètement la fonction. Il a un problème de communication. C'est pas un grand communicant, alors qu'il aurait fallu un grand communicant comme Henri IV, par exemple. Il a été, après la maladie de Metz en 1744, après l'extraordinaire victoire de Fontenoy à l'été 1745, il est le bien-aimé. Et peu à peu, évidemment, sa réputation va décroître, c'est le moins qu'on puisse dire. Après le traité de Paris, qui met fin à la guerre de 7 ans en 1763, il est carrément mal aimé, là on peut le dire. Et c'est certain que sa dernière favorite, après la mort de la reine, Madame du Barry n'a pas contribué à l'édification des masses. Et quand il meurt, il est vraiment détesté de son peuple ? Il est en grande partie détesté, c'est vrai. Au moment de sa mort, le peuple demandera 3 messes pour le repos de son âme, alors que quelques années auparavant, au moment de l'attentat d'Amiens, 1757, il y aura 300 messes qui seront demandées pour la guérison du roi. Donc ces chiffres parlent. Cet attentat de Damien l'avait profondément blessé, alors pas physiquement, ce n'était en gros qu'une égratignure, mais disait-il, détrompez-vous car cela va jusqu'au cœur. Jusqu'au cœur, il a été touché, il a eu le sentiment qu'on ne l'aimait pas, ni le bien-aimé. Il a un problème affectif, mais il ne sait pas se rapprocher du peuple. Et au-delà de ce rapport complexe avec ses peuples, comme on disait à l'époque, il y a le rapport à la religion, c'est-à-dire qu'on voit un homme constamment, le roi lui fait son travail, mais l'homme est déchiré entre les obligations de sa charge et puis ses plaisirs. C'est un chrétien particulièrement mal à l'aise, il faut bien le dire. Torturé. Il est vraiment profondément chrétien et en même temps, il a des besoins, les besoins de la chair qui parlent en lui et il ne peut pas se passer de maîtresse. Donc, il a vraiment une grande difficulté de ce côté-là. Mais ce n'est pas du tout un libertin, au sens où on l'entendait à cette époque. Alors, il y a quelques années, lorsque vous avez publié votre belle biographie de Louis XIII, qui reparaît d'ailleurs dans un beau coffret, là, chez Perrin, dans la collection de poches de Perrin, qui s'appelle Tempus, j'avais dit que je trouvais la réhabilitation un peu forte. Je l'avais dit à ce micro, je me rappelle, ça vous avait un peu froissé. Là, vous réhabilitez Louis XV, et là, je ne peux que vous suivre. Il faut rendre à ce roi la justice qu'on lui a refusée. Je crois qu'on peut dire ça. Oui, tout en portant un jugement équilibré sur ce personnage, parce que il a eu aussi, il faut bien le reconnaître, des faiblesses. Oui, bien sûr, mais sa vie n'était finalement qu'un tissu de faiblesses, mais qu'il savait surmonter. Et vous le montrez quasiment à chaque page. Il y a véritablement l'âme d'un chef d'État chez ce roi oublié. Et en même temps aussi une grande bonté naturelle quand il est dans un cercle privé. Alors vous serez évidemment avec ce Louis XV chez Perrin, Jean-Christian Petit-Fils, vous serez à Versailles ce week-end, moi aussi d'ailleurs, on y sera tous, si je puis dire. Bien entendu. C'est la grande manifestation Histoire de lire, c'est la fête des historiens, on peut le dire, et des amoureux d'histoire. Bonjour Étienne de Montetti. Bonjour Franck Ferrand. Vous venez nous parler depuis quelques années maintenant de ce salon littéraire qui a un succès, qui ne se dément pas, qui est même de plus en plus grand. Oui, en effet, depuis 7 ans qu'existe ce salon, le monde croît, le nombre d'historiens croît, et l'intérêt des gens d'Île-de-France, puisque ça dépasse largement les frontières de la ville, mais l'intérêt ne se dément pas. Il y a même des gens qui viennent de villes de toutes sortes de régions. Bien sûr, parce que l'histoire, votre émission le montre, l'histoire est au cœur de la vie des Français, ils l'aiment, et ils ont besoin, à travers les historiens, à travers les livres, de la connaître davantage. Alors je pense que il y a pas mal d'explications au succès Histoire de lire à Versailles. D'abord, me semble-t-il, c'est que ce n'est pas seulement un salon, on n'est pas seulement là pour signer. Il y a tout un accompagnement, il y a des tables rondes, des entretiens. D'ailleurs, j'aurai la chance d'interviewer Jean-Christian Petit-Fils demain après-midi, si je ne m'abuse. C'est une rencontre en même temps avec le public. Voilà, c'est pas simplement une grande fête commerciale, évidemment. Il faut que les historiens puissent parler avec passion, comme Jean-Christian Petit-Fils vient de le faire, de leur sujet. Et il y a donc des dizaines de rencontres qui vont de la conférence un peu magistrale au débat, en passant par la rencontre informelle. La jeunesse est là, évidemment, avec des bandes dessinées, des livres pour les enfants, pour les adolescents. La jeunesse est même très présente. Et cette année, vous envoyez les historiens prêcher la bonne parole, si je puis dire, dans les collèges et les lycées, ce que j'ai fait, moi, lundi dernier. Voilà, vous y avez fait allusion. Vous êtes allé au collège de La Celle-Saint-Cloud. Oui. D'autres historiens sont allés à Saint-Cyr-l'École. Voilà. Dans les collèges de Versailles, évidemment, rencontrer 600 élèves pour faire partager de manière concrète, incarner cette passion pour l'histoire qui vous anime. Et à l'issue de la rencontre, on distribue aux élèves des chèques-livres pour qu'ils puissent se rendre sur place et être aidés dans l'acquisition d'un livre. Alors c'est samedi et dimanche, c'est l'après-midi seulement, mais ce sont de grands après-midi, hein, très, très nourris, très intenses. Exactement, c'est de 14h à 18h30 à l'hôtel de ville de Versailles. Et évidemment, l'histoire est déclinée sous toutes ses facettes. Il y a des romans historiques avec Jean-Christophe Ruffin, par exemple. Il y a Laurent Deutsch, par exemple, qui a sa manière très à lui de parler de l'histoire. Et puis, il y a des historiens que l'actualité met au premier plan, comme Jean-Christian Petit-Fils ou Emmanuel de Varesquiel avec son Fouché. Alain Duhamel avec l'histoire contemporaine, évidemment. On n'est pas seulement dans les siècles passés. L'histoire de ces En gros, ce sont les stars de l'histoire qui viennent chez vous. Exactement. Mais c'est l'histoire, je dirais, pour tous. Il y a des historiens beaucoup plus confidentiels, mais qui sont des passionnés d'un sujet précis. Chacun a sa place. Et j'en suis sûr, le public sera au rendez-vous de cette grande fête de l'histoire. Ça tombe bien, le salon est organisé, c'est peut-être le dernier des secrets de sa réussite, il est organisé quelques semaines avant Noël, donc on peut faire des cadeaux. On disait autrefois en Angleterre a Christie for Christmas, un Agatha Christie pour Noël. Eh bien cette année ce sera sans doute un Jean-Christian Petit-Fils pour Noël, un Louis XV en l'occurrence. Je vous rappelle que le Louis XV de Jean-Christian Petit-Fils, dont nous n'avons fait qu'effleurer la très dense et passionnante matière, est publié chez Perrin. Merci beaucoup à vous deux d'être venus à notre rencontre. Dans un court instant sur Europe 1, notre retour aux origines, et vous répondrez Franck Ferrand à la question de Nicolas. Depuis quand fait-on du sport pour le plaisir ? Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Nicolas. Nicolas qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission. D'ailleurs, je vous encourage, chers auditeurs, à en faire autant. Donnez-nous vos idées, vos suggestions et vos questions pour nos retours aux origines quotidiens en fin d'émission. Donc, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Nicolas. Depuis quand fait-on du sport pour le plaisir ? Dans une émission qui a concédé pas mal de temps à la Coupe Davis de tennis, c'était le moment de parler de sport. Et je trouve que la question de Nicolas tombe à point. Alors, depuis quand est-ce qu'on pratique le sport pour le plaisir? Aujourd'hui, le sport est synonyme de compétition. Il y a les Olympiades, etc. Mais ces Olympiades, dites-vous qu'elles remontent très loin dans l'Antiquité. En 776 avant Jésus-Christ, à Olympie, évidemment. Et je ne vais pas vous faire toute l'histoire du sport antique, mais ça a été une part non négligeable de la vie sociale de l'Antiquité. Alors, plus tard, le sport va disparaître. Et au Moyen-Âge, alors bien sûr, il y a toujours des gens qui chassent, on se bat à la guerre, etc. Mais il n'y a plus de pratique sportive. Le terme de « desport » ou « disport » est utilisé plutôt pour désigner la distraction, l'amusement. Vous voyez donc que le sport, lorsqu'il va naître ou renaître, sera d'abord considéré comme un amusement. Du reste, le Larousse, au XIXe siècle, dit que le sport est, je cite, « un ensemble d'amusement, d'exercice et de simple plaisir qui absorbent une portion assez notable du temps des hommes riches et oisifs. » Et vous voyez que tout de suite, le sport est associé à la richesse, à l'oisiveté, à un certain niveau social. C'est par l'enseignement scolaire et par l'enseignement scolaire obligatoire que le sport va se répandre de nouveau dans la population. Ça fait partie des enseignements. Ça fait partie, la gymnastique scolaire est imposée par la loi Falloux dès 1850. Mais d'une façon plus générale et pour les adultes, le sport est vraiment réservé à ceux qui font de l'escrime, de l'équitation, etc. Ou bien entendu à un certain nombre d'athlètes qui sont plus ou moins professionnalisés. Ça reste un spectacle de ce point de vue. Et c'est là que va intervenir Pierre de Coubertin. On lui doit beaucoup à Pierre de Coubertin car c'est lui qui va insister dans une époque totalement tournée vers l'hygiénisme, c'est vrai, qui va insister sur la santé, sur l'hygiène, sur la dimension nécessaire d'un sport qui ne fera que se généraliser pendant tout le cours du XXe siècle.